بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل قراءتنا في القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى سائلين الله عز وجل التوفيق والسداد والعلم النافع وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وبعد نواصل الكلام في القاعدة الأولى في قواعد في الأدلة الأسماء والصفات بعد أن درسنا قواعد في الأسماء الحسنى ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قواعد في الصفات ثم ذكر بعض القواعد في أدلة الأسماء والصفات وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله وأما معناه فيفصل فيه فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول يليق بالله تعالى فهو مقبول وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده فقال فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة والتضمن أو الالتزام ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها ويفعل الله ما يشاء ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهية ونحوها ومما ورد نفيه عن الله سبحانه وتعالى لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد وأن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا ويغني عنه ما ثبت فيهما أن الله تعالى في السماء وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به فالأول باطل لمنافته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع والثاني باطل أيضا لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته والثالث حق لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته Donc on va continuer, Inch'Allah, sans plus attendre. Donc on va traduire jusqu'à, et lire l'explication, jusqu'à où je viens de m'arrêter dans la lecture. Donc on a continué à lire le texte de cette première règle, toujours concernant les preuves, les textes concernant les attributs et les noms divins. C'est-à-dire les noms d'Allah Azza wa Jal et ses attributs. Donc l'auteur dans cette première règle, comme on a vu dans les assises précédentes, lié aux preuves et aux textes liés aux attributs et aux noms, alors on a appris ces enseignements très bénéfiques que ce qu'Allah Azzawajal s'est attribué pour lui-même comme attribut dans son livre ou ce que son messager, son envoyé a attribué à Allah Azzawajal, nous l'affirmons. On a appris aussi, par contre, ce qui n'est ni affirmé ni nié, puisqu'on a bien explicité dans les cours précédents que dans le Coran, dans la tradition prophétique, il y a des attributs qu'on appelle thubutiyya, as-sifat thubutiyya, et des attributs qu'on appelle as-salbiyya, donc des attributs affirmés et des attributs niés. Donc ce qui est affirmé dans les textes sacrés, nous l'affirmons, et ce qui est nié dans les textes sacrés, nous nions. Par contre, l'auteur ensuite nous a enseigné et enseigne dans son œuvre qu'il y a des choses qui sont ni, des attributs qui sont ni affirmés ni niés dans le livre. Et on a dit le comportement adopté chez les gens de la Sunna, ce qui était enseigné dans les premiers siècles jusqu'à aujourd'hui, les grands savants nous enseignent que natawakkaf, ce qui n'est ni affirmé et ni nié dans les textes sacrés, on s'abstient. On s'abstient aussi bien de les affirmer ou de les nier. Natawakkaf. Et ensuite, on avait donné l'exemple, par exemple, de al-jiha. L'attribut de la, par exemple, la direction, l'endroit. Et l'auteur va continuer à nous expliquer cela. Et ça, c'est un sujet très important, comme vous allez voir dans ce qui va suivre, Inch'Allah. L'auteur, après avoir dit cela, une traduction relative, il dit, et avant même d'arriver à cet exemple-là qui est l'attribut de la direction, al-jiha, est-ce qu'on l'affirme ou bien est-ce qu'on nie cela? C'est-à-dire, est-ce que l'attribut de la direction de l'endroit, est-ce qu'on l'affirme pour Allah Azza wa Jal ou bien on le nie pour Allah Subhanahu wa Ta'ala? On va continuer dans l'explication de cela, dans ce qui va suivre. Mais avant, dans le texte, avant que l'auteur cite cet exemple, il nous dit, et à titre de révision, je vous lis le maître, on ne va pas revenir sur l'explication, puisqu'on a pris de l'explication de cela dans la dernière assise d'hier. Il dit, Rahimahumullah, ou Rahimahumullah, les noms et les attributs d'Allah, dans cette règle-là, ne peuvent être confirmés que par ces deux arguments. Aussi, il est nécessaire de confirmer ceux qui sont établis par le Coran et la Sunna. Quant à ceux qui sont niés, par eux, ils doivent être niés tout en affirmant la perfection de leur opposé. Ça, on l'avait explicité et appris. Donc, lorsqu'on nie les attributs qu'on appelle selbiya, nier, on doit affirmer la perfection opposée, comme on l'avait explicité dans les assises précédentes. Les noms et les attributs d'Allah, dit ensuite l'auteur dans son œuvre, qui n'ont été ni établis, ni niés par le Coran et la Sunna, ne peuvent ni être affirmés, ni être rejetés. Car à leur signification, quant plutôt à leur signification, il s'y d'apporter des détails à ce propos. Donc vous avez vu, comme on avait mentionné, on a dit, l'auteur ici fait la différence entre al-lafz ou al-ma'na, entre le terme et le sens du terme. Lorsqu'il dit ni on affirme, ni on nie, natawakkaf, on s'abstient, il sous-entend ici concernant al-lafz, concernant le terme. Par contre, on a appris le sens, c'est autre chose. Il dit en ce qui concerne le sens, ici d'apporter donc des détails. Quel est le voulu? Si le sens donc de ces noms et attributs convient à Allah Azza wa Jal, à sa majesté, alors il est accepté. Mais s'il ne convient pas, il est obligatoirement rejeté. Parmi les choses, il dit, qui ont été affirmées au sujet d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il y a ce qui suit. Parmi les choses aussi qu'on retrouve affirmées au sujet d'Allah Azzawajal, des attributs désignés par l'un des noms d'Allah Azzawajal. Puisque comme on l'avait appris, les noms d'Allah Azzawajal désignent des attributs. Donc, les noms d'Allah Azzawajal nous indiquent des attributs. Mais les indications, on a appris trois sortes d'indications. On appelle ça « dalalat al-mutabaqa » ou « dalalat al-tadammun » ou « dalalat al-ittizam » c'était l'assise d'hier. Enfin, c'est une révision à une assise, puisque l'auteur a fait allusion à ces différentes formes et catégories d'indications qu'on a appris dans les règles liées au nom divin, au nom d'Allah Azza wa Jal. Donc les noms d'Allah Azza wa Jal désignent des attributs d'une désignation ou d'une indication par correspondance. Mutabaqa, on avait explicité le terme hier. Ou bien d'une indication tadammun, par induction, ou bien al-iltizam, par implication. Se référer à l'assise d'hier. Ensuite il dit, tout attribut désigné par l'un de ces actes, comme s'élever au-dessus du trône, descendre au ciel de ce bas monde, venir pour décider du sort de ses serviteurs, le jour du jugement et autres actes dont les sortes et à plus forte raison les particularités, afrad, sont indénombrables. Et ensuite il fait référence à la parole d'Allah, Yaf'alullahu ma yasha. Ensuite il dit, parmi les choses, c'est-à-dire Yaf'alullahu ma yasha, traduction native, Allah fait ce qu'il veut. Parmi les choses donc qui ont plutôt été également affirmées au sujet d'Allah, il y a donc l'attribut du visage, les yeux, les mains et ainsi de suite. Ces attributs sont affirmés de manière explicite dans les textes sacrés. La parole, par exemple, al-irada, la volonté, ou al-mashi'a, qui est la volonté aussi. Avec ces deux types, al-mashi'a al-kawniya, al-mashi'a al-kawniya qui est la volonté universelle, ou al-mashi'a al-shar'iya, qui est la volonté religieuse, divine. Donc ça c'est le texte, hein. C'est la parole de l'auteur et on va venir dans l'explication ensuite, dans ce qui va suivre. Celle qui concerne l'existence a le même sens que l'exigence. Lorsqu'ils disent l'exigence, ici ils font référence au terme al-irada, la volonté. Quant à celle qui concerne la loi divine, elle signifie l'amour, al-mahabba, c'est-à-dire al-iradatu shar'iyya. Ils font allusion ici, dans la traduction, à al-iradatu, la volonté religieuse. Parmi les attributs aussi affirmés dans les textes sacrés, la satisfaction, l'amour, la colère, la réprobation, etc. Et parmi les choses, donc là l'auteur ici nous a cité des attributs thubutiya ou bien selbiya. C'est des attributs affirmés ou des attributs niés? Des attributs affirmés, thubutiya. Là il dit, il y a maintenant on trouve dans les textes sacrés, des attributs niés. Il dit parmi les choses qui ont été rejetées, s'agissant d'Allah, car elles sont inconcevables, et parce que leur opposé est parfait. C'est-à-dire, ces attributs niés sont inconcevables et sont rejetés pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous les nions, comme c'est venu, comme la négation est venue dans les textes. Parce que ceci est inconcevable et parce que l'opposé de ces attributs est la perfection. Parce que il y a la perfection opposée, c'est-à-dire ce qui est opposé à ces attributs-là est la perfection. Il cite à titre d'exemple les attributs niés au sujet du Créateur, la mort, le sommeil, la somnolence, l'incapacité, la fatigue, l'injustice, la distraction. Quant aux actes des serviteurs, c'est-à-dire la distraction quant aux actes des serviteurs, l'existence d'un semblable et d'un pareil. Et autres comme attributs qu'on appelle as-sifat as-salbiyya, les attributs niés. Vous avez vu, il a cité les deux premières catégories. Première catégorie, la catégorie des attributs qui sont affirmés. Il a cité des exemples, comme par exemple des attributs qu'on avait dit as-sifat al-khabariyya, al-khabariya comme al-aynan wal-yadan, par exemple, wal-wajh, ce sont des sifat khabariya, thubutiya, khabariya. Et il a cité d'autres attributs à titre d'exemple, comme l'attribut de la parole et autres. Ainsi la satisfaction, l'amour, la colère, la réprobation et autres. Ensuite, il a cité la deuxième catégorie, les attributs niés. Et là, il cite la troisième chose qu'on a citée, des attributs qui sont ni niés dans le Coran, ni affirmés. Comme il dit, parmi les choses qui n'ont été ni affirmées ni niées, il y a le mot « al-jihah ». Al-jihah, qui est l'endroit ou bien la direction, ou traduit aussi par la localité. Par la localité. Si quelqu'un pose la question, est-ce que nous pouvons assigner Allah une localité, c'est-à-dire un endroit? Il dit, nous lui répondons, le mot al-jihah n'est pas mentionné dans le Coran et la Sunna, que ce soit pour l'affirmer ou pour le rejeter. Ce qui est attesté dans les deux sources, c'est-à-dire al-kitab ou al-sunna, c'est qu'Allah est au ciel, ce qui permet de se passer du terme al-jihah. Ça, c'est le metn, c'est la parole du shir. Il dit, le mot donc al-jihah, localité, on avait mentionné déjà cela, peut signifier, vous avez vu, là, il va au sens maintenant. Il a parlé du terme al-jihah, il dit, ni il n'est mentionné dans le Coran, ni il n'est mentionné dans la sunna. Ensuite, il dit, le mot al-jihah, l'endroit, la direction, la localité, peut signifier trois choses. Vous avez vu maintenant, il détaille le sens. Donc on n'est plus dans l'ovd, on est maintenant dans le sens. Et faites attention et remarquez bien cela, puisque vous allez comprendre ensuite ce qui va suivre, Inch'Allah. Le mot jihad localité peut signifier trois choses, il dit. Le bas, le haut qui cerne le créateur, ou le haut qui ne le cerne pas, comme on avait cité précédemment. Les deux premiers sens sont faux, parce qu'il est contraire à l'élévation d'Allah le Très-Haut, attesté par le Coran et la Sunna, la raison, la prédisposition naturelle et le consensus. Le deuxième sens aussi est faux. Il dit, tandis que le troisième sens est vrai, parce qu'Allah Azza wa Jal est effectivement au-dessus de sa création et rien de ses créatures ne peut le cerner. Et cette règle est prouvée par les arguments scriptuaires et rationnels. Donc on s'est arrêté là, dans la lecture du maître. Donc là je vous ai traduit les propos de Cheikh Ibn al-Taymin dans cette règle-là. Maintenant regardez dans l'explication. On avait déjà parlé de Sifat al-Ulu. On va continuer certains points qu'on n'a pas pris dans les assises précédentes concernant cela et d'autres exemples. Et là, on va mieux comprendre ensuite les ambiguïtés et les faux arguments de gens qui sont mal intentionnés et qui impute à de grands savants de l'islam des choses contraires à leur dire, comme vous allez voir dans ce qui va suivre. L'auteur nous dit alors, est-ce que, comme ces exemples qu'on a donnés, des termes, des attributs qui ne sont ni niés dans le Coran, ni affirmés, comme il dit ici, à titre d'exemple, al-jihah. Mais on avait donné un autre exemple, par exemple, le corps, al-jism, l'attribut du corps, comme on va le voir dans ce qui va suivre. Ça fait partie des choses qui sont pas niées dans le Coran et qui sont pas affirmées dans le Coran. Cheikh nous dit dans l'explication, alors, est-ce que nous pouvons affirmer cela ou pas? Hal naqul inna lillahi jihah ou inna lillahi ou inna Allah fi jihah ou ma ajbah dhalik. La question pourquoi le shir cite cela, il dit tout simplement la question serait, est-ce qu'on peut dire alors, on peut attribuer à Allah Azza wa Jal direction, un endroit ou non? Ou non? Il dit, la réponse c'est que l'ovd, le terme, lui, n'est pas cité dans le Coran et dans la Sunna, comme on l'a dit. Donc, falaysa alayna ithbatu lafdihi wa la nafyu. Donc, il n'est pas à nous de l'affirmer ni de le nier, puisque ni la négation ni l'affirmation est venue. لأنه لم يرد في الكتاب والسنة حتى يجب علينا أن نثبت أو لا ننفي. Et du fait que ce n'est pas vu dans les textes sacrés, ni l'affirmation, ni la négation, alors ce n'est pas à nous de le faire. C'est pas à nous de le faire. Donc, j'insiste bien sur la parole de l'auteur et sur l'explication. Et ça, ensuite, vous pouvez l'appliquer sur d'autres choses, d'autres termes et d'autres attributs qui ne sont ni affirmés dans le Coran, ni dans la Sunna. Et ensuite, vous allez comprendre les ambiguïtés et les faux arguments de personnes malveillantes. Alors il dit ولكن ليعلم أن هذا يريده أهل التعطيل على أهل الإثبات من أجل إلزامهم بما يرون أنه باطل حتى يقولوا هذا باطل. Sauf que, regardez, et là c'est très pertinent, cette phrase-là que va dire l'auteur, elle est très pertinente. Il dit, ولكن ليعلم, mais qu'il soit, je vous traduis littéralement, qu'on sache, il y a une chose à savoir, que ça, ceux qui mènent vers ces sujets-là, ce sont les partisans de la doctrine de la négation des attributs, comme on avait fait allusion dans les assises précédentes. Eux, ils mènent vers ces sujets-là pour ensuite mener les savants, les gens de la Sunna, ceux qui affirment les attributs, à affirmer une chose fausse pour ensuite leur reprocher cette affirmation fausse. Donc les gens, par exemple, partisans de la doctrine de la négation des attributs. Et ensuite, je vais vous donner un exemple clair que vous pouvez retrouver, diffusé et propagé par ces tendances hérétiques et innovatrices. Il dit donc, eux mènent les gens qui affirment Al-Jama'a, Al-Sunnah ou Al-Jama'a, les gens de la Sunna et de Al-Jama'a. Pourquoi les savants nomment les gens qui pratiquent un islam authentique et qui ont des convictions authentiques conformes à celles qu'ont appris les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ahle Sunnati wal Jama'a? Itlaqu hadha al-lafz, cette appellation, elle a eu lieu au deuxième siècle, au deuxième siècle de l'Hégire. Les gens s'apparentaient à la Sunna. Les gens prétendaient tous être partisans de la Sunna. Sauf que les savants ont rajouté Al-Jama'a, le groupe. Pourquoi? Parce que, malgré le temps qui s'écoule, si on s'attache à la Sunna, on est partisan de la Sunna, on doit s'attacher au groupe, à Al-Jama'a. Et donc, même les siècles qui succéderont, les gens, ensuite, sur la Sunna, seront sur Al-Jama'a. S'ils sont sur la Sunna et partisans de la Sunna, ils sont sur Al-Jama'a. La même Jama'a, des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le sunnati wal jama'a, al-jama'a, cette jama'a sur laquelle étaient les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en tout temps, les gens de la sunna, ceux qui suivent la sunna véritablement, suivent cette jama'a, ce groupe. Donc aujourd'hui, par exemple, près de 15 siècles après le message du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a fi hadha zaman, en ce temps, il y a des gens qui sont partisans de la sunna, la tradition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui se conforme aux enseignements de l'Jama'a. Cette Jama'a qu'il y avait à l'époque des compagnons, aujourd'hui il y a des partisans de la Sunna qui suivent cette Jama'a. Et eux, ils représentent Jama'a al-Muslimin. C'est pour ça que le terme Jama'a est très important. Les tendances qui ont adhéré à la négation des attributs, ils ont voulu faire dire aux savants de la Sunna et de l'Jama'a des affirmations fausses pour ensuite leur reprocher et taxer ceux qui affirment les attributs d'âme d'anthropomorphistes. Regardez ce que va nous dire l'auteur. فلماذا ذهبتم إلي نقول أما الجهة فلا نثبت ولا ننفي ويعني عن قولنا إن الله في جهة نقول إن الله عز وجل في علو إن الله عز وجل في السماء إن الله فوق عبادي وما أشبه ذلك. Donc certains de ces termes, comme par exemple la direction, le lieu, l'endroit, cela, comme c'est pas affirmé dans le Coran sénigné, on peut se passer en fait du terme. Et dit, Cheikh, on peut se passer du terme et mentionner ce qui nous est mentionné dans les textes. Dans les textes, il nous est mentionné qu'Allah est au-dessus des cieux, qu'Allah est élevé au-dessus de tout, qu'Allah s'est établi au-dessus de son trône. On peut se passer donc de lafz al-jiha. Vous comprenez? Le terme al-jiha, maintenant on peut rester sur le terme en arabe, on peut s'en passer. Puisque dans le Coran, il nous est affirmé qu'Allah Azzawajal est au-dessus des cieux, qu'Allah est élevé au-dessus de son trône, qu'Allah est au-dessus de tout, il est le Très-Haut. Et donc il y a l'affirmation de Sifat al-Ulu, l'attribut de l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en fait le terme al-jiha, on peut s'en passer et citer ce qui est mentionné dans les textes. Ça c'est en ce qui concerne le lafz, le lafz. Mais maintenant, est-ce qu'une personne peut dire d'une manière absolue qu'Allah n'a pas de jiha? Est-ce qu'une personne peut nier d'une manière absolue qu'Allah n'a pas de jiha? Ou bien affirmer d'une manière absolue qu'Allah n'a pas de jiha? Là. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas mentionné. Ni l'affirmation, ni les textes. Et on voit ça, c'est Rayat al-Adl. Ça, c'est l'extrême équité et justice. Le fait de s'abstenir. Comme par exemple, d'autres attributs niés, qui sont ni niés, ni affirmés dans le Coran. Allah Azzawajal n'a pas nié cela, n'a pas affirmé cela. Alors, d'une manière absolue, on ne peut pas le nier, celui qui nie cela, en disant d'une manière absolue. Wahada madhabu. Et ça c'est la doctrine des tendances innovatrices, parmi les doctrines qui nient les attributs d'Allah Azza wa Jal, eux nient formellement et catégoriquement cela. Or Allah Azza wa Jal ne l'a pas nié. Mais il ne scie pas aussi de l'affirmer d'une manière absolue. Ça c'est en ce qui concerne Allah. En ce qui concerne le sens. En ce qui concerne le sens, il dit... Nous interrogeons, on demande, qu'est-ce qui est voulu par cela? Qu'est-ce qui est voulu par cela? Et on avait cité les trois exemples de sens qu'a cité l'auteur, avec deux premiers exemples faux et un troisième exemple vrai. On ne va pas y revenir puisqu'on avait déjà cité cela. Faqala. Il dit ensuite, après avoir expliqué les sens, les deux exemples qu'il nie et le troisième sens qui dit qu'est bon, il dit إذن لفظ الجهة لا أثبته ولا أنفي. Écoutez bien, comme ça vous allez comprendre ensuite ce qui est véhiculé chez les savants, ce qui est attribué et imputé aux savants. Écoutez bien ce que dit Cheikh Ibn Uthaymin. Écoutez bien ce qu'il dit. إذن, donc c'est, il l'écrit dans son livre, ensuite il l'explique de manière audible. Ça peut pas être plus clair. Idhan, il dit donc, lafdhul jihati, le terme direction ou endroit, pourrait être traduit aussi par localité. La uthbituhu. Là il parle de lui, regardez, il dit, je ne l'affirme pas. Wala anfi. Et je le nie pas. Wa ana fi afiyatin min. Wa indi ma yu'ni an. Et il dit, et je peux me passer de le citer, puisque dans le Coran, on a la mention qu'Allah Azza wa Jal s'est élevé établi au-dessus de son trône, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout, il est le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala wa huwa al-Ali wa annahu al-Qahiru fawqa ibadi, et qu'il est le dominateur au-dessus de ses serviteurs. Une traduction relative de al-Qahir fawqa ibadihi. Et il dit ça avec ces informations au sujet d'Allah Azza wa Jalla qui sont mentionnées dans le Coran, on peut se passer de citer Al-Jiha. Amma min jihatil ma'na, par contre il dit en ce qui concerne le sens, fala takhlu imma an yakun fi jihati 'uluwin aw suflin 'uluwin imma an yuhita billahi aw la yuhita bihi. فإن أردت بالجهة جهة السفل كما يقول من يقول إن الله تعالى في كل مكان بذاته فهذا باطل بلا شك لأنه مخالف لما ثبت من علوه الدل على كماله وإن أردت أنه في جهة تحيط به أي جهة عليا لكن تحيط به حوله الجدران وفوقه السقف وما أشبه ذلك فهذا باطل لأن الله تعالى لا يحيط به شيء لا عن يميني ولا عن شمالي وأن كل ما فوق فهو عدم يعني ليس هناك شيء من المخلوقات فهذا حق فإن الله عز وجل فوق كل شيء لا يحاذيه شيء من مخلوقاته أبدا كل شيء فهو تحته فإذا الله تعالى في جهة علو لا تحيط به والدليل على علو الله عز وجل بذاته من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة رضي الله عنهم والعقل والفطرة. Regardez, très important. Donc il dit, le terme, je ne l'affirme pas, je le ne lis pas. En ce qui concerne le sens, si la personne sous-entend par la direction, l'endroit, la localité, la direction vers le bas, ou bien la direction vers le haut, qui limite ou cerne le créateur, alors là, il dit, ces sens-là sont faux. On nie ces sens, pour Allah Azza wa Jalla. Par contre, si la personne, le sens qu'il veut lorsqu'il parle de localité, d'endroit, de direction, c'est la direction du haut. La direction qui sous-entend l'élévation d'Allah Azza wa Jalla au-dessus de ses créatures. Et rien n'est au-dessus de lui. Il n'y a pas de créature au-dessus d'Allah Azza wa Jalla, puisqu'il est au-dessus de tout. Et ses créations ne le dépassent pas, ne sont pas au-dessus de lui, mais c'est lui qui est au-dessus de sa création. Si c'est ça qui est sous-entendu par le terme, le sens du terme Al-Jiha, il dit ça, c'est vrai. Comprenez bien. Il dit ça, c'est vrai. À ce moment-là, Al-Ta'til viendront et vont dire, regardez les savants Al-Sati wal-Jama'a qui prétendent être Al-Sati wal-Jama'a, affirment l'attribut de Al-Jiha. C'est pour ça qu'ils affirment, ils attribuent plutôt, ils imputent à Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah l'attribut de la direction, l'attribut du corps, en disant que les savants de la sunna affirment le corps, la direction pour Allah subhanahu wa ta'ala. Or, vous faites la différence entre al-lafzu, le shir le dit textuellement, la uthbituhu wa la anfi. Je ne l'affirme pas et je ne le nie pas. Wal-marna, ça dépend du marna. Al-jiha. Pourquoi le terme Al-Jiha, l'attribut de la localité, ou de l'endroit, ou de la direction. Pourquoi on ne peut pas le nier d'une manière absolue? Parce que si ce qui est voulu par cela, c'est la direction du haut qui dénote l'élévation d'Allah Azza wa Jalla, l'élévation d'Allah est confirmée dans le Coran. Cela, on ne peut pas le nier. C'est pour ça que les savants de la Sunna disent qu'on ne peut pas le nier d'une manière absolue. Mais du fait que Al-Ta'til, les partisans de la doctrine de la négation, nient l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils nient cela catégoriquement. Donc de ce fait, il nie le sens aussi. Il nie ce sens-là. Il pose la question. Celui qui, par exemple, nie sifat al-jiha, l'attribut de la direction, mutlaqan, de manière absolue. Il pose la question en disant, est-ce qu'il a contredit la voie droite? Celui qui nie, de manière absolue, l'attribut de al-jiha, est-ce qu'il a contredit la voie droite? Je traduis littéralement. Il dit al-jawabu na'am. Il dit oui. لأن نفي الجهة مطلقا معناه نفي العلو. Parce qu'il dit le fait de nier l'attribut de la direction d'une manière absolue, c'est qu'en fait on nie l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comprenez bien les dires, puisqu'ensuite vous allez comprendre des exemples clairs que je vais vous mentionner, inshallah. Il dit فإن قال, donc si celui-ci dit أنا لا أنفي العلو, la personne, si elle dit alors, moi je ne nie pas l'élévation, car elle est élevée au-dessus de tout. فَنَقُلْ أَلْعُلُوْ أَيْنَ هُوَ. Nous lui disons alors, c'est l'élévation, c'est quelle direction? أَيْنَ هُوَ. C'est quoi l'élévation? C'est quelle direction l'élévation? On lui demande, est-ce que l'élévation n'a pas une direction? أهذا مثل الذين يقولون إن الله يرى يوم القيامة لا في جهة فيقال لهم وكيف يرى لا في جهة. Est-ce qu'ils seraient comme ceux qui disent que Allah Azza wa Jal ne sera pas vu le jour de la résurrection, ou bien إن الله يرى يوم القيامة, ou bien Allah sera vu يوم القيامة, le jour de la résurrection, mais pas vers une direction. Alors que les croyants savent que ceux qui rentreront au paradis auront la félicité et l'immense récompense, la récompense ultime, de voir le Créateur. Celui qui affirme la vision d'Allah Azza wa Jal, mais qui nie la direction, al-jiha, il dit, فَكَيْفَ يُرَى وَلَا فِي جِهَا. Comment Allah peut-il être vu alors qu'il n'y a pas de direction? Vers où regarder? Les croyants regarderont vers direction pour voir Allah subhanahu wa ta'ala. وَهَلْ هَذَا مَعْقُولُ. Est-ce que c'est raisonnable, c'est concevable de penser qu'on verra Allah Azza wa Jal mais sans regarder vers une direction? Et se dire que l'élévation n'a pas de direction. Ça n'est pas concevable. لِيَنَّ كُلَّ شَيْءٍ يُرَى يَكُنْ بِجِهَا. Imma Musawiya ou Anzel ou Fauq. Pourquoi? Parce que la direction, c'est soit en bas, soit le même niveau, soit au plus haut. Soit en haut. Mithalun Akhar. Et c'est là que Cheikh ensuite il dit. Autre exemple. Avant de passer à cet autre exemple, les gens partisans des doctrines justement innovatrices, ils sont tellement allés loin dans leur spéculation, fi ilm al-kalam, et tellement allés loin dans leur philosophie, que justement ils ont pensé à des implications, et on a bien traité le sujet des implications dans des assises précédentes, très important, à des implications. De ce fait, ils sont tellement allés loin dans l'inconcevable que justement ça les a menés, Shaitan leur a ouvert une porte pour justement nier les attributs d'Allah. Par exemple, Sifatun Nuzul, l'attribut de la descente. Ils se sont dit, si Allah Azza wa Jal descend au premier tiers, au dernier tiers de la nuit, au premier ciel, ça veut dire que les autres cieux sont au-dessus d'Allah. Wallahi adubillah. qu'Allah nous en préserve. Ils ont dit, si on affirme qu'Allah Azzawajal descend au premier ciel, au dernier tiers de la nuit, ça, vous avez vu, Dilalat al-Iltizam pour eux, l'implication. Vous avez vu l'importance du sujet des implications. Parfois, elles peuvent être vraies, parfois fausses. Ils ont dit, ça implique quoi? Ça implique que Allah Azzawajal, lorsqu'il descend au premier ciel, que les cieux au-dessus du premier ciel, alors ça veut dire qu'il soit au-dessus, qu'Allah préserve de cela. Les gens de la Sunna, les savants disent qu'on ne dit pas ça. On ne dit pas cela, puisque rien de la création d'Allah Azzawajal est au-dessus de lui. Est-ce que Allah Azzawajal, s'il descend au premier ciel, au dernier tiers de la nuit, ça implique que les autres cieux soient au-dessus de lui? Non. Non. Et quelle connaissance ils ont de cela? C'est une descente comme il convient et il sait à sa majesté subhanahu wa ta'ala. Et donc eux, je vous ai donné des sortes d'implications, sauf que la personne qui n'est pas instruite, la personne ignorante, lorsqu'on met en avant des arguments et des implications comme celle-ci, il peut adhérer en se disant on ne peut pas donc affirmer cela, ça voudrait dire telle et telle chose, ça impliquerait telle et telle chose. Mithalun akhar. Regardez ce que va dire Shimon al-Taymin. Autre exemple. Al-jism, le corps. Il dit, comme à titre d'exemple, pour le jihad. Il dit al-jism, le corps. Qala ahlu ta'til, inna Allah laysa bijism. Les gens partisans de la doctrine de la négation, ils ont dit, on ne peut pas affirmer le corps pour Allah Azzawajal. Allah Azzawajal n'est pas un corps. Et vous avez vu, comme on a dit précédemment, les savants, ils étaient obligés de traiter de ces sujets-là parce que les gens des doctrines hérétiques, eux, ont spéculé sur ces sujets-là. Et donc, il fallait que les grands savants de l'islam apportent des réponses à ces spéculations. Alors, ils ont dit, on ne peut pas dire qu'Allah Azzawajal est un corps. Wala arad. لأن الذين نفوا الجسم ادعوا أن إثبات أي صفة يستلزم التجسيم. Pardon. Parce que eux, en fait, ils sont allés encore plus loin dans leur justification de nier tous les attributs d'Allah. En fait, ils ont prétendu que affirmer les attributs d'Allah Azza wa Jal, c'est donc affirmer sifat al-jism, le corps. Et ça, ça fait partie de leur justification. On voit que c'est une implication. Donc pour eux, les attributs d'Allah Azza wa Jal impliquent, ils disent, ça implique at-tajsim, donner un corps au créateur, subhanahu wa ta'ala. Donc ils ont nié en sifat aussi. Ça fait partie de leur prétention. Regardez. الذين نفوا الجسم ادعوا أن إثبات أي صفة يستلزم التجسيم. Pour eux, l'affirmation d'une quelconque, en arabe c'est quelconque, ici en français plus sifat, attribut, il est au masculin, donc l'affirmation d'un quelconque attribut pour eux, regardez, je vous traduis littéralement la parole du shir, pour eux, dans leur doctrine, l'affirmation d'un quelconque attribut implique ou sous-entend et tajsim, imputer un corps au créateur. وَقَالُوا الْأَجْسَامُ مُمَاثِلَةٌ فَقَالُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَوِي عَلَى الْعَرْشِ لِأَنَّهُ لَوْ قُلْتَ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ فَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ صَارَ جِسْمًا. Alors, de ce fait, c'est pour ça qu'aussi ils ont nié al-istiwa, l'attribut de l'élévation au-dessus du trône. Ils ont dit, si on affirme qu'Allah s'est établi au-dessus de son trône, on affirme le corps. On affirme, ils disent, Inna Allah la istawa ala l'arj, l'annaka la qulta istawa ala l'arj, fa ma'na dhalika, annahu sara jisman. Si on affirme cela, ils disent le sens de cela, c'est qu'il devient corps. Wa annahu la yanzil. Et donc ils ont dit, il ne descend pas. Il n'a pas l'attribut de la descente. Parce qu'ils ont dit, لو قلت ينزل, si tu dis qu'il descend, sara jisman, il devient corps. Wala ya'ti lil fasli bayna al ibad, et il nie aussi l'attribut de la venue, c'est-à-dire qu'il ne viendra pas le jour de la résurrection juger entre ses serviteurs. L'attribut de la venue aussi, il le nie. Pourquoi? Parce que sinon, ils disent que c'est affirmé qu'il est corps. Et donc, de ce fait-là, li anna wa law kana dhalika la kana jisman wa laysa lahu yadun haqiqatan wa illa la kana jisman. C'est pour cela qu'aussi, il nie les attributs qu'on appelle khabari, thubutiya, khabariya, les attributs comme sifat al-yad ou autres, parce qu'ils disent, c'est ensuite, ça implique qu'il soit corps. Ila akhiri. Fanafu as-sifat bihadihi al-hujja. Et donc, ils ont nié les attributs par cet argument. Par cet argument. Naqulu lahum. Écoutez bien ce que va dire Shir. Il dit, nous leur disons. Nous leur disons. Aina fil kitabi awi sunnati nafyul jism. Où vous trouvez dans le Coran ou dans la Sunna, dans les textes sacrés, la négation de l'jism? Où est la négation? Je vais passer un passage puisqu'ensuite il va faire part d'un étonnement qu'il a d'un savant dans les siècles précédents qui a rédigé dans la croyance, et dans son dogme il a réfuté aussi le al-jism. Il a réfuté al-jism. Et il va faire part de son étonnement de cela en disant ala kulli hal, dans tous les cas, al taqul inna Allah jismun aw la taqul, dans tous les cas, est-ce qu'on dit Allah azza wa jall, on affirme l'attribut du corps ou non? Il dit la réponse amma lafdhu fa laysa lana, en ce qui concerne le terme, il nous appartient pas. Ni de l'affirmer, ni de le nier. Comme pour Al-Jiha. Ni de l'affirmer, ni de le nier. Fadlan an an-naqula. Wa laysa alayna an-nuthbitahu wa nanfi. Donc il ne nous appartient pas, il n'incombe pas qu'on l'affirme, qu'on le nie. Li'annahu la yujadu lahu nafyun wa la ithbatun fil Qur'an wa la fi sunnah. Parce que ni l'affirmation, ni la négation dans le Coran, dans la Sunna, et à travers les propos des compagnons. Les compagnons, ni ils ont nié cela, ni ils ont affirmé cela. Donc, il ne nous appartient pas à nous. Par contre, ça c'est le terme, al-marna. Par contre, al-marna. En ce qui concerne le sens, fanaqul, in aratta bil jismi, jisman yushbihu al-makhluq, wa annahu murakkabun min ardain wa abghadin wa ma ashbaha dhalik fa hadha al-ma'na batilun. Par contre, il dit, écoutez bien, si il est voulu, le sens voulu par le corps, c'est le corps comparable au corps des créatures. Si ce qui est voulu par le corps, c'est le corps comparable au corps des créatures, composé d'organes et de membres, alors ce sens-là est batil, est faux. Rien n'est semblable au Créateur subhanahu wa ta'ala. Donc, si le corps qu'il désigne, c'est un corps comparable au corps des créatures, des êtres humains, c'est un corps composé d'organes et de membres, si c'est ça le sens qu'ils veulent, qu'ils sous-entendent, fa'ada batil. Il dit ce sens est faux. Par contre, parce que il dit laysa kamithlihi shay, rien n'est semblable au Créateur. Wa nafyu kal jism bi hadha al ma'na sahih. Donc si maintenant tu nies ce sens, est-ce qu'on a le droit de nier ce sens? Si on nie al jism bi hadha al ma'na, par ce sens-là, oui. Il dit wa nafyu kal jism, et si toi tu nies le jism, l'attribut du corps, sous-entendu ce sens-là, ta négation est authentique. Wa in arat 10 semaines. Par contre, si par l'attribut du jism, le sens c'est l'être, that, c'est l'être, thaten, qa'imatan, binafsiha, muttasifan, bisifat il kamilati lati, tariqu bihi, min al-istiwai ala l'arsh wa al-nuzuli ila samai dunya, wa annahu fa'alu lima yurid, yatakallamu wa yakhudu wa yakbudu wa yabsutu wa ma ashbaha dhalik fa huwa haqq. Par contre, il dit, si le sens du jisme, l'attribut du corps, nié, c'est le sens de l'être qui détient des attributs parfaits, les attributs du de perfection, comme il s'y convient au Créateur subhanahu wa ta'ala, comme l'élévation au-dessus de son trône, ou la descente au premier ciel, ou le fait qu'il fait ce qu'il veut, ou qu'il parle, wa ya'khud, et prend, wa yaqbid, wa yabsut, si c'est ça le sens, alors, fa huwa haqq, ce sens est vérité. Il dit ce sens est vérité. Wa li hadha yura yawm al-qiyama. Idhan, et pour cela, Allah Azza wa Jal sera vu le jour de la résurrection. Pourquoi? Parce que, lahu that. Pardon. That قائمة بنفسها متصفة بالصفات الكاملة التي تليق به سبحانه وتعالى. إذن فنفيك الجسم بهذا المعنى غير صحيح. Donc celui qui nie le sens de l'jism, ce sens-là bien précis, cette négation est fausse. بل هو بهذا المعنى جسم. بهذا المعنى جسم. Et aussi, parmi les mêmes choses, comme on a pris l'exemple de... Et on va terminer sur ça. Ça, c'est... On a un peu tardé parce que c'est un sujet très important. Même chose, vous avez aussi donc la tribu de l'jiha, qui n'est pas mentionnée, ni affirmée, ni niée dans les textes. La tribu de l'jism, comme on a donné. Al-had. La limitation. Ça, c'est très important. Et la limitation a créé confusion. Qu'il y ait une limite, attribuer une limite à Allah Azza wa Jal. Vous trouvez que dans les écrits d'anciens savants dans les siècles précédents, des écrits des savants ont nié l'attribution d'une limite à Allah Azza wa Jal. Et vous trouvez dans des écrits de grands savants qui ont affirmé Al-Had, la limite à Allah Azza wa Jal. Les savants ont expliqué. Il faut bien comprendre les termes et le sens voulu. Les savants, vous retrouvez dans leurs livres, qui ont nié, parmi les gens de la Sunna, qui ont nié le had, c'est dans le sens si on attribue une limite à Allah Azza wa Jal, et donc, ça sous-entendrait qu'il serait dans la création. Cerné par sa création. Le sens est faux. Mais si c'est dans le sens inverse, et c'est le sens de ceux qui ont affirmé. Ceux qui ont nié, c'est dans le sens qu'on ne peut pas attribuer une limite à Allah Azza wa Jal, de sorte qu'il soit cerné par sa création. Et ceux qui ont affirmé le had, c'était dans le sens qu'ils affirment limite à Allah Azza wa Jal pour justement nier le fait qu'Allah Azza wa Jal soit cerné par sa création, et donc, il est en dehors de la création, subhanahu wa ta'ala. Wadah al-kam, vous comprenez? Si vous avez compris ça, maintenant, je vais vous donner un exemple. Comme on a dit précédemment, si on a compris maintenant cette règle-là, ce qui est affirmé, ce qui est ni affirmé dans le Coran, ni nié dans le Coran, natawakaf, on s'abstient. Vous avez compris cela. Si, donc, vous avez compris la position des ulama, des savants de la sunna, partisans de la sunna du consensus. Alors, regardez. Vous trouvez dans certains sites, et beaucoup de détracteurs, justement, veulent imputer aux savants de la sunna, comme Thal, Sheikh Ibn Baz, Ibn Al-Saymin, et avant eux, dans les siècles précédents, Ibn Taymiyyah, leur attribuer et leur imputer des sens non voulus pour justement égarer justement les gens de la sunna. Regardez par exemple, dans un sens, il est dit, Cheikh Salah Al-Fawzan attribue à Allah les limites et lui donne des associés dans son attribut du nom début. Regardez, ils disent que le Cheikh attribue à Allah les limites. On parlait de Al-Had, c'est ce qu'on appelle l'attribut de la limite. Et là, ils vont faire référence à l'explication du Cheikh d'une partie d'un passage qu'il y a dans l'Aqidah al-Tahawiyyah. Dans l'Aqidah al-Tahawiyyah. Dans l'Aqidah al-Tahawiyyah, l'imam al-Tahawi, justement, va dire, il va faire allusion à l'had, à l'attribut de la limite. Et dans l'explication, Cheikh, il va dire, Adafi Ijmal. Il dit que l'imam Tahawi le cite d'une manière générale et globale. Il dit, en résumé, s'il est voulu par cela les limites créées, alors Allah est exempt des limites et de l'incarnation dans ses créatures. Ça, c'est les propos du Cheikh. Mais s'il est voulu par les limites non créées, et il s'agit de la direction du dessus, du haut, alors cela est confirmé au sujet d'Allah. Allah n'est pas exempt de la hauteur, car cela est réel, et cela ne rentre pas dans la catégorie des limites, ni dans la catégorie des directions créées. Vous avez vu là, la parole de l'auteur. Qu'est-ce qu'il dit dans le titre? L'auteur, le shir, attribue à Allah les limites. Vous avez vu? Attribue à Allah les limites. Or, regardez le début. Qu'est-ce que dit shir? En résumé, s'il est voulu. Shir ici, dans son expérience, il parle de quoi? S'il est voulu. Il parle du sens. Vous avez vu ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'ils ont dans le titre? Le shir attribue les limites. Ensuite, ils vont attribuer qu'il est le leader de l'anthropomorphisme, de l'égarement. Regardez, c'est grave, il attribue les limites. La personne qui ne connaît pas ces détails-là, à ce moment-là, il peut être perturbé. Le shir dit bien, en résumé, si ce qui est voulu par les limites créées, alors Allah est exempt des limites. Il dit si c'est les limites créées, Allah est exempt. Il nie les limites et l'incarnation dans ses créatures. Mais s'il est voulu par les limites, le sens qu'Allah soit élevé au-dessus de tout, la direction du haut, alors, il dit, le sens est vrai. On voit bien qu'il parle du sens. Il parle du sens. Et regardez à la fin, qu'est-ce que dit Cheikh ici? Il dit, Allah n'est pas exempt de la hauteur. Donc il dit bien qu'Allah n'est pas exempt de l'élévation, car cela est réel. Et cela, regardez ce qu'il dit, ne rentre pas dans la catégorie des limites, ni dans la catégorie des directions créées. Ça veut dire quoi? Que Shir nie le sens que ce soit des limites et des directions créées. Il le dit bien en arabe, regardez. فَلَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ الْحُدُودِ وَلَا مِنْ بَابِ الْجِهَةِ الْمَخْلُوقَةِ. En fait, ce qu'a mentionné l'imam al-Tahawi, il fait allusion à la question de l'Had, la tribu de l'Had, Shir l'a détaillé. Puisque l'imam al-Tahawi l'a cité d'une manière générale et absolue. Shir l'a détaillé. Vous avez vu? De la même manière, vous retrouvez, en ce qui concerne Shir Ben Baz, ils ont un article. Shir Ben Baz dit qu'Allah a une limite. Donc ça doit être des sites, par exemple, tenus par Jama'at al-Ahbash ou des groupes extrémistes dans la négation des attributs. Regardez, ils disent le Cheikh Ibn Baz attribue à Allah une limite. Pareil, ils vont reprendre la parole de Cheikh Ibn Baz dans son commentaire de Tahawiyyah. Et vous retrouvez beaucoup d'articles comme cela, où ils imputent aux savants C'est pour ça qu'ils ont des articles aussi où ils disent le shir de l'islam, Ibn Taymiyyah, attribue la direction pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que vous avez vu, les savants font le discernement entre le terme et le sens. Le terme, Cheikh Ibn Uthaymeen le dit clairement. Je ne l'affirme pas, je ne le nie pas. Maintenant, si on vient au sens, on discute du sens. Regardez, et on conclut avec ça, avec tout ce qu'ils imputent à Cheikh Ibn Uthaymeen, en disant que Cheikh Ibn Uthaymeen fait partie des leaders de l'anthropomorphisme. Regardez ce que dit Cheikh Ibn Uthaymeen. Lorsqu'il parle de Al-Jihad, est-ce qu'il ne peut pas être plus clair? Et vous retrouvez cela dans Majmou' al-Fatawa, dans le volume 5, page 262 et 260, jusqu'à 265. Regardez ce qu'il dit en ce qui concerne la direction. Vous avez trouvé qu'ils disent que Cheikh Ibn Uthaymeen attribue la direction à Allah subhanahu wa ta'ala. Le As-Sunni, le partisan de la Sunna, qui adhère à Aqidat al-Salaf, s'il n'a pas ces bases-là et ces connaissances-là, ces bases essentielles, si qaddarallahu wa masha'a fa'al, un jour il se retrouve à écouter une conférence, ou il se retrouve dans une discussion, et on aborde ces sujets-là, il risque d'être perdu. Regardez ce que dit Cheikh Ibn Uthaymeen dans le volume 2, page 262 à 265, concernant la direction. Amma man i'taqad al-jihad, en ce qui concerne celui qui a la conviction et qui attribue à Allah Azzawajal la direction. فَنْ كَنَ يَعْتَقِدْ أَنَّ اللَّهَ فِي دَاخِلِ الْمَخْلُقَاتِ وَتَحْوِيهِ الْمَصْنُوعَاتِ وَجُسْكَ سْكِدِي وَتَحْثُرُهُ السَّمَوَاتِ وَيَكُنُ بَعْضُ الْمَخْلُقَاتِ فَوْقَهُ وَبَعْضُهَا تَحْتَهُ فَهُوَ مُبْتَدِعْ ضَلُّن. C'est ce qu'il dit. Il dit celui qui considère la direction en affirmant. Et lui, il a la conviction que le sens, donc, en affirmant le terme, la direction, c'est qu'Allah azzawajal dakhil makhluqati, qu'Allah est à l'intérieur de sa création. Qu'Allah est à l'intérieur de sa création. Et donc, qu'il est yakun ba'dul makhluqat fawqahu, donc, que certaines de ses créatures, ce qui fait partie de sa création, seraient au-dessus de lui. Et certaines de ces créatures en dessous de lui. Donc il serait compris et cerné par sa création. Si c'est ça que la personne a comme conviction de Al-Jihad, qu'Allah Azzawajal sera cerné par sa création, alors il dit Fahuwa Mubtadi'a, c'est un hérétique innovateur. Dallun, égaré. Justement, ça c'est le sens aussi que les négateurs nient. Justement, eux, ils nient en disant que ça implique ça et ça. On voit bien que Cheikh Ibn Uthaymeen, il nie ça. وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ يَعْتَقِدْ أَنَّ اللَّهَ يَفْتَقِرْ إِلَى شَيْءٍ يَحْمِلُ إِلَى الْعَرْشِ وَغَيْرِ فَهُوَ أَيْضًا مُبْتَدِعْ ضَلُّن. Il donne encore des exemples de ce qui est considéré comme des croyances innovées et hérétiques. وَكَذَلِكَ إِنْ جَعَلَ صِفَةِ اللَّهِ مِثْلَ صِفَةِ الْمَخْلُقِينَ. Regardez ce qu'il dit. Cheikh Ibn Uthaymeen, qui disent que c'est le leader de l'anthropomorphisme, selon leur prétention fausse. Il dit, le Cheikh, regardez ce qu'il dit dans son écrit. De même, s'il prétend que les attributs d'Allah sont comparables aux attributs des créatures. Regardez ce qu'il dit. Que l'élévation d'Allah au-dessus de son trône est comme l'élévation des créatures. Que sa descente est comme la descente des créatures. Et autres, c'est un innovateur égaré. Fa'in al-kitab, car le Coran, la Sunna, avec la raison saine, indique qu'Allah, Azza wa Jal, rien n'est comparable à lui parmi ses créatures. Jusqu'à la fin de sa parole, il continue. La parole de Cheikh Ibn n'est pas claire sur le fait qu'il nie totalement l'anthropomorphisme et le fait d'attribuer un égal, un semblable, un ressemblant au Créateur subhanahu wa ta'ala. Donc, vous remarquez bien que ce qui est imputé aux savants, c'est des gens malveillants et ce sont des choses qui sont fausses. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.